tous ceux qui ont deux enfants et donc 84 repas à préparer par semaine. Et à ceux qui pensent que les mois ne devraient faire que 25 jours, parce qu'on se passerait bien des fins de mois, non? En ce moment, Intermarché bloque le prix d'une sélection de fruits et légumes, comme le filet d'un kilo d'oignons jaunes origine France à seulement 79 centimes. Soutenir votre pouvoir d'achat, c'est aussi ça être producteur et commerçant. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 28 février, calibre 50-70, catégorie 1, modalité sur intermarché.com. Pêcheur d'Islande, de Pierre Loti, dans une adaptation de Hervé Prudhon. Avec, dans les rôles principaux, Jean-Pierre Moreux, Marie-Christine Le Thor, Florence Lecor, Nicolas Struve, Frédéric Ruchot. Huitième épisode. Les amoureux aiment s'asseoir sur les bancs quand la nuit tombe. Yann et Gaude, chaque soir, à la porte de la chaumière des moines, sur le vieux banc de granit, se faisaient leur cours. D'autres ont le printemps, les soirées tièdes et les rosiers fleuris. Eux n'avaient rien que des crépuscules de février descendant sur un pays d'ajoncs et de pierres. Aucune branche de verdure au-dessus de leur tête, rien que le ciel immense et pour seule fleur, des algues brunes que les pêcheurs avaient entraînées dans le sentier. Mais ils se trouvaient très bien là, et le vieux banc ne s'étonnait pas de leur amour. En ayant entendu des jeunes et douces paroles, toujours les mêmes, de génération en génération, et habitués à voir les amoureux revenir plus tard, vieux et vieilles, s'asseoir à la même place, pour respirer un peu d'air encore et se chauffer à leur dernier soleil. Vous aurez froid, mes enfants. Vous attraperez du mal. Restez dehors si tard. Je vous demande un peu, ça tient du bon sens. Froid. Est-ce qu'ils avaient froid? Est-ce qu'ils avaient seulement conscience de quelque chose en dehors du bonheur d'être l'un près de l'autre? Au-dessus d'eux, le dôme bossu de leur toit de paille. Et derrière tout cela, les infinis crépusculaires, le vide incolore des eaux du ciel. Un soir, il s'amusa à me citer mille petites choses que j'avais faites ou qui m'étaient arrivées. Il savait tout, même les robes que j'avais eues, les fêtes où j'étais allée. Comment donc savait-il tout cela? C'est qu'il m'aimait, tout ce temps-là. Mais alors, quel mauvais vent avait fermé la porte de son cœur ces deux dernières années? Nous allâmes à Paimpol un beau jour, avec la grand-mère, pour acheter ma robe de noces. Comme je n'avais pas fini le deuil de mon père, nous la choisîmes noire. Yann ne trouvait rien d'assez joli. Il était un peu hautain vis-à-vis des marchands. Et lui qui autrefois ne serait entré pour rien au monde dans aucune des boutiques de Paimpol, ce jour-là s'occupait de tout. De temps en temps, sur le banc de pierre, il jetait la tête sur les genoux de Gaude pour se faire caresser. Il eût aimé se coucher par terre à ses pieds et rester là, le front appuyé sur le bas de sa robe. Il adorait le je ne sais quoi invisible qui était en elle, qui était son âme. Il n'avait jamais connu cette manière d'aimer quelqu'un. Et dire qu'elle était en même temps une femme de chair, plus belle et plus désirable qu'aucune autre, et qu'elle lui appartiendrait bientôt. Dites-moi, Yann, quand vous vous êtes détourné de moi, avait-on tenu de méchants propos sur mon compte? Un soir de pluie, ils étaient assis près l'un de l'autre dans la cheminée, quoi donc, et leur grand-mère Yvonne dormait en face d'eux. Des choses. C'était ma toilette. Ils se parlaient bien bas. Comme font tous les amoureux. C'est sûr que vous étiez trop demoiselle pour devenir la femme d'un simple pêcheur. Est-ce parce que nous passions pour des riches? Vous aviez peur d'être refusée? Moi, refusée? Bon, non, pas du tout. Ce n'était rien de tout cela, Yann. Alors quoi? Mais rien du tout, il n'y a rien à comprendre. mais aussi tout le monde s'y est mis. Mes parents, mes collègues, Sylvestre, et vous aussi. Alors j'ai commencé à dire non. Et j'ai continué, par habitude et par fierté. Et c'est pour cet enfantillage que j'ai été abandonnée pendant 2 ans? C'est pour ça que j'ai désiré mourir? C'est mon caractère qui est comme ça, Gaude. Des fois, j'arrête pendant 8 jours sans parler à personne. Il faut me pardonner. Oui, je vous pardonne. Vous savez, sans toute cette souffrance, l'heure présente ne serait pas si délicieuse. Leur cortège de noces s'en revenait de l'église de Ploubalanec pourchassé par un vent furieux. C'était 6 jours avant le départ pour l'Islande. Ils étaient beaux tous deux, marchant comme des rois. Derrière eux, le cortège était un joyeux désordre de couples rieurs que de grandes rafales tourmentaient. Beaucoup de jeunes chez lesquels la vie débordait, et d'autres grisonnants, mais qui souriaient en se rappelant le jour de leurs propres noces et leurs premières années. Et le vent secouait indistinctement tous ses invités. On voyait des jupes relevées et des robes retournées, des chapeaux et des coiffes qui volaient. Le violonnaire qui menait tout ce monde jouait à la diable. Sa musique arrivait aux oreilles par bouffées, et dans le bruit des bourrasques, elle se faisait plus grêle que les cris des mouettes. On était venu de loin pour les voir. Des Islandais, mais aussi des mendiants, des estropiés, des fous, des idiots à béquilles qui tendaient leurs chapeaux pour recevoir des aumônes que Yann leur lançait avec son grand air noble et Gaude avec son beau sourire de reine. Il y avait de ces mendiants très vieux, de la même couleur que la terre, d'où ils semblaient n'être sortis qu'un peu et où ils allaient bientôt rentrer sans avoir jamais pensé à rien. Ils regardaient passer cette fête de la vie. On continua de marcher au-delà du hameau de Porcéven. C'était pour se rendre, suivant l'usage traditionnel, à la chapelle de la Trinité qui est au bout du monde breton. Au pied de la dernière falaise, elle semble appartenir à la mer. Pour y descendre, on prend un sentier de chèvres. Et le cortège de noces se répandit sur ce cap isolé au milieu des pierres. Impossible d'atteindre la chapelle. La mer, rugissante, venait trop près frapper ses coups. On voyait bondir très haut ses gerbes blanches. Yann, qui s'était le plus avancé, recula le premier. Il était venu là pour présenter sa femme à la mer. Mais celle-ci faisait mauvais visage à la mariée nouvelle. Le violonnaire s'accrochait à son instrument. Ramasse la musique, la vie! La mer nous en joue une autre qui marche mieux que la tienne! Le dîner de noces se fit chez les parents de Yann. Ce fut en haut, dans la grande chambre neuve, une tablée de 25 personnes, des sœurs et des frères, Gaos le pilote, le capitaine Germer, Kérez, Yvan Duff, tous ceux de l'ancienne Marie, 4 filles d'honneur, très jolies, leurs nattes de cheveux enroulées au-dessus des oreilles, comme autrefois les impératrices de Byzance. 4 garçons d'honneur, tous islandais, bien plantés. Et en bas aussi, on mangeait et on cuisinait. Toute la queue du cortège s'y était entassée, et des femmes de peine louées à Paimpol perdaient la tête devant les poêles et les marmites. Ça va faire encore des gaos, ça. On n'en manquait pourtant pas. Mon père était le plus jeune de 9 frères, et il a eu 12 enfants. Et moi, j'en ai fait encore 14. Oh, tu parles d'une peuplade. Dame, On en a eu de la peine pour les élever. Mais à présent, ils sont débrouillés. Enfin, ceux que l'Islande n'a pas gardés. Dehors, le vent et la pluie faisaient rage. En bas, c'étaient les cris de joie, les éclats de rire des petits cousins et des petites cousines qui commençaient à se sentir émoustillés par le cidre. On avait servi des viandes bouillies, des viandes rôties, des poulets, plusieurs espèces de poissons, des omelettes et des crêpes. On avait causé pêche et contrebande, discuté toutes sortes de façons pour attraper les messieurs douaniers qui sont, comme on sait, les ennemis des hommes de mer. À Hong Kong, les maisons. Tu sais bien, les maisons qui sont là en montant dans les petites rues. Ah oui, ces maisons-là. Ah c'est ça, chez les dames chinoises, quoi. Donc on l'avait consommé là-dedans. Des vilaines femmes, Padoué Bénigue. Mais vilaines, oh. Mais après, pour payer, hein, qui est-ce qui avait des piastres? Bah, ni moi, ni toi, ni lui. Plus le sou, personne ne se guette. Alors on promet d'aller en chercher à bord, mais la vieille méfiante commence à miauler et elle finit par nous griffer avec ses pattes jaunes. Et voilà deux Chinois, les deux jumeaux de la boîte, tu me comprends, qui ferment la grille à clé et nous dedans. On te les empoigne par les nattes, mais voilà-t-il pas qu'il en sort d'autres par tous les trous. Moi j'avais justement mon paquet de canne à sucre et c'est solide quand c'est vert. Alors tu penses, c'est dérouillé qu'on leur a mis, arpote. Le vent dans la cheminée hurlait comme un damné qui souffre. Avec une force à faire peur, il secouait toute la maison. On dirait que ça le fâche parce que nous sommes en train de nous amuser. Ah non, c'est la mère qui n'est pas contente parce que je lui avais promis mariage. On était au dessert. Bientôt allaient commencer les chansons. Mais avant, il y avait les prières à dire pour les défunts. On ne manque jamais à ce devoir de religion. Ceci est pour Guillaume Gaos, mon père. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Ceci est pour Yves et Jean Gaos, mes frères, perdus dans la mer d'Islande. Ceci est pour Pierre Gaos, mon fils, naufragé à bord de la Zélie. Ceci est pour naufragé à bord de la Zélie. Ceci est pour Sylvestre Mohan. Sed libera nos amalou. Amen. Amen. Un noble corps, pas moins que celui des oies. Un noble corps, pas moins que celui des oies. Mais chez nous, les braves narguent le destin. Mais chez nous, les braves narguent le destin. Hourra, hourra, vive le vrai marin. Hourra, hourra, vive le vrai marin. Tournait un peu. Les garçons embrassaient les filles. Les chansons continuaient gaiement. Mais dehors, le bruit sinistre allait son train, pire que jamais. Cela devenait comme un seul cri, continu, renflé, menaçant, poussé à la fois à plein gosier, à coups tendus par des milliers de bêtes enragées. C'était la mer. la mer qui battait de partout le pays de Ploubalanec. Non, elle n'était pas contente, la mer. Et Gaude avait le cœur serré par cette musique d'épouvante que personne n'avait commandée pour ses noces. Sur les minuits, Yann fit signe à sa femme. C'était pour s'en aller chez eux. Elle rougit, prise d'une pudeur. Puis elle dit que ce serait impoli, laisser les autres. Mais Yann assura que non, le père l'avait permis. Dehors, ils se trouvèrent dans le vent sinistre, dans la nuit tourmentée. Ils se mirent à courir en se tenant par la main. Ils couraient cinglés en plein visage, le corps penché contre les rafales. Il la prit dans ses bras et continua de courir encore plus vite. Oh non, ils ne croyaient pas tant l'aimer. Ils arrivèrent chez eux et ils allumèrent une chandelle que le vent leur souffla deux fois. La vieille grand-mère Mohan, qu'on avait reconduite chez elle avant les chansons, était couchée dans son lit en armoire. Et la grande tombe des marins était tout près, mouvante, dévorante. Une nuit ou l'autre, il faudrait être pris là-dedans, s'y débattre, au milieu de la frénésie des choses noires et glacées. Ils le savaient, tous les deux. Pour le moment, ils étaient à l'abri de toute cette fureur. Alors, dans le logis pauvre où passait le vent, ils se donnèrent l'un à l'autre, sans souci de rien ni de la mort. C'était « Pêcheur d'Islande » de Pierre Loti, dans une adaptation de Hervé Prudhon. Avec Jean-Pierre Moreux, le narrateur, Marie-Christine Le Thor, la narratrice, Florence Lecor, Gaude, Nicolas Struve, Yann, Frédéric Ruchot, grand-mère Yvonne. Et les voix de Jean-Claude Sachaud, Patrice Mélenec, Thibault Lacour, Claire Latreille, Fabien Lucciarini, Laure Matisse, David Sordoyer, Régis Romélé, Caroline Victoria, Gaël Zax, Hugo Mayer, Guillaume Clessen, Martin Kubisch, Benjamin Kerotret. Musique: Johan Lekelenek, Olivier Stenou, Guy Ropartz, Arvo Part. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Claire Levasseur, Nadège Antonini. Réalisation, Annabelle Brouard, Étienne Vallès.